Vous écoutez France Culture. Mes derniers temps de notre semaine consacrée à l'histoire du Vietnam et de l'Indochine, alors que commence l'année du Vietnam en France. Après avoir traité du XXe siècle lundi et mardi avec Jacques Chancel, notre grand témoin du lundi, et un documentaire sur Claude Vo Tan Loc, Cochin chinois arrivé en France au milieu des années 20, c'était le documentaire de mardi que vous pouvez réécouter sur notre site. Et puis hier, nous être intéressés à l'exposition Indochine 1856-1956 au musée de l'armée qui se termine à la fin de cette semaine, nous allons ce matin nous plonger dans une histoire plus ancienne, plus inconnue du grand public aussi, celle de la péninsule indochinoise au XVIIe, XVIIIe siècle. Une histoire mouvementée puisque l'actuel Vietnam était alors divisé en deux seigneuries qui se sont fait la guerre pendant deux siècles, donc avant que la dynastie d'Nguyen ne l'emporte au début du XIXe siècle. Quel rapport eurent ces seigneuries avec les autres puissances régionales? Quelle place eurent des missionnaires occidentaux et français en particulier dans cette histoire? Nous le verrons, ainsi que d'autres questions, donc avec Séverine Yattard, qui a préparé cette semaine avec nous, et avec Philippe Papin. Il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il est auteur, entre autres, de Vietnam, parcours d'une nation chez Belin, d'histoire de Hanoï, qui a été publié chez Fayard, mais également d'histoire des territoires de Hanoï, 19e, 20e siècle, aux éditions des Indes Savantes. Amandine Lepoutre est chercheuse et auteur d'une thèse sur les archives royale du Panduranga. Elle nous expliquera ce qu'est Panduranga, justement. Et Frédéric Mancienne est également avec nous. Il est professeur associé à l'Université de La Rochelle, auteur de Pierre Pignot, entre autres, et des relations également politiques et commerciales entre la France et la péninsule indochinoise au XVIIe, XVIIIe siècle, aux éditions des Indes Savantes. Mais puisque nous sommes jeudi, commençons cette émission par un petit tour d'horizon de nouvelles d'histoire trouvées dans vos journaux, vos revues et sur le net. Vendredi dernier, nous avons interrogé Mona Ozou, Frédéric Genevet et Régis Debray sur les personnalités qui méritaient à leurs yeux d'entrer bientôt au Panthéon et mentionné une tribune du Monde dans laquelle les journalistes Pierre Péan et Éric Conan s'attaquaient violemment à Mona Ozou qui souhaitait voir entrer le résistant Pierre Bossolette, entrer donc dans le temple de la nation. Eh bien, un collectif d'historiens leur a répondu à Pierre Péan et Éric Conan. Il a pris la plume, ce collectif d'historiens, pour marquer dans le monde sa stupéfaction de découvrir dans les colonnes du Monde un procès en sorcellerie. Je cite Stéphane Audin-Rouzeau, Jean-Jacques Becker, Robert Bello, Jean-François Chanet, Joël Cornette, Marc Ferraud, Jean-Noël Jeannet, Philippe Joutard, Jacques Le Goff, Christophe Pomian, Pierre Nora, Michel Perrault, Antoine Pro, Henri Rousseau, Maurice Sartre, Paul Venn, Annette Vievorka et Michel Vinocq, excusez du peu, s'insurgent contre un débat qui ne se situe pas au niveau de ce que cette historienne incontestée a fixé en récusant sa proposition de panthéonisation au prétexte, je cite, de sophisme accusateur. Primo, Mona Ozouf a été communiste, c'est ce sophisme en question. Deuxio, elle est devenue anticommuniste. Tertio, ergo, elle nourrirait une hostilité envers Jean Moulin qui fut un temps scandaleusement suspecté d'être un agent soviétique. Quarto, de là, sa volonté de remplacer dans la symbolique de la résistance Jean Moulin par Pierre Bossolette. Cela s'appelle, disent les signataires, un délire interprétatif. Ils expliquent donc tous ces historiens de tous bords, parce que qui peut relever dans la tribune de Mona Ozouf un seul mot contre Jean Moulin, manière cinglante et convaincante de remettre le débat sur des rails qu'il n'aurait jamais dû quitter. Ces deux hommes ont été en désaccord politique, mais ils sont morts héroïquement dans le même combat pour Mona Ozouf, comme pour bien d'autres. Ils ont tous les deux leur place au Panthéon. C'est ce qui explique donc cette prise de position collective de nombreux historiens français. Il est d'antique procès en sorcellerie qui trouve leur résolution 3 siècles et demi après que leur victime soit montée au bûcher. Tous vos journaux ont relayé en début de semaine une dépêche de l'agence France Presse qui relatait comment dimanche dernier, des membres du consistoire israélite de Moselle, le président du consistoire central de Paris, le maire et le préfet de Moselle ont dévoilé une plaque rendant hommage au martyr juif de Boulay, accusé d'un crime rituel qu'il n'avait pas commis. Raphaël Lévy, un marchand de chevaux, s'était rendu à Metz le 25 septembre 1669. À la veille des grandes fêtes juives du Nouvel An, pour faire des achats. Il s'était arrêté en chemin pour faire ferrer son cheval. Une mère était allée laver son linge avec son petit garçon à une fontaine près de Glatigny. Et cette femme se retourne et l'enfant a disparu. Le garçonnet avait été retrouvé mort un mois plus tard dans un buisson. Au terme d'un procès qui avait été émaillé de beaucoup de faux témoignages, Raphaël Lavie avait été condamné à mort et brûlé vif le 17 janvier 1670 à Metz. Depuis, le village avait été déclaré maudit, interdisant à tout juif d'y passer la nuit. La réhabilitation de Raphaël Lavie dimanche dernier est donc un acte de réconciliation. Mais ce qu'oubliait de dire la dépêche de l'AFP, c'est que cette affaire Raphaël Lavie a été utilisée par Édouard Drumont et par les antisémites de la fin du 19e siècle, dans le procès fait à Dreyfus à l'époque. Je vous conseille donc, si vous voulez en savoir plus sur les aléas et les usages mémoriels de cette histoire de Raphaël Lavie dans ce petit village de Glatigny, de vous plonger dans un livre formidable que lui a consacré en 2009 chez Fayard l'historien Pierre Bienbaume, passionnante étude de micro-histoire publiée sous le titre suivant « Un récit de meurtre rituel au grand siècle ». Car il faut lire des livres d'histoire et de sciences humaines pour remettre une actualité dans son contexte. La crise actuelle du livre et de l'édition traditionnelle conduit d'ailleurs à quelques surprises. Ainsi, les difficultés actuelles de la petite librairie de Bannon, devenue donc dans le sud de la France, devenue en quelques années une immense librairie présente sur le net et dont la saga magnifique risque de s'interrompre, concurrencée qu'elle est par les grandes plateformes internationales de vente de livres. Un cri d'alarme a d'ailleurs été lancé récemment par Bernard Pivot et par quelques autres sur ce thème. Autre surprise, l'entrée récente du réassureur Score, SCOR, dirigé par Denis Kessler, dans le capital des presses universitaires de France en difficulté, une prise de participation majoritaire que Dominique Lecourt, le président du conseil de surveillance des PUF, justifie sur le site Actualité par la nécessité de répondre aux besoins de développement numérique, mais surtout aux usages du numérique dans les universités. Et Denis Kessler de compléter la démonstration en expliquant qu'un grand groupe peut aider une société à pouvoir, dans le domaine de l'édition, donc dans la production du savoir et la diffusion du savoir, trouver un second souffle. Ça fait partie aussi de notre mission, dit-il. Il y a 30 000 auteurs au PUF qui ont produit des œuvres. Il y a là un patrimoine français qui était intéressant de sauvegarder. Et puisque nous en sommes à sauvegarder un patrimoine littéraire et livresque, notons après les dégâts qu'ont subis à la suite de l'éclatement d'une canalisation la semaine dernière dans les sous-sols de la Bibliothèque nationale de France des milliers d'ouvrages, que les Lettons se sont livrés à un exercice collectif étonnant en transférant un à un 2000 ouvrages de l'ancienne à la nouvelle Bibliothèque nationale de Riga. Et comment ont-ils fait ? Eh bien, ils se sont passés de la main à la main le long d'une vaste chaîne humaine dans les rues de la capitale. C'était une belle façon de célébrer le début de la saison Riga 2014. Riga 2014, qui est, comme vous le savez peut-être, capitale européenne de la culture. Avant de commencer notre discussion sur le Vietnam, un petit mot de commentaire des historiens qui sont ici. Frédéric Mancienne, vous êtes historien, mais vous êtes aussi éditeur. Donc ces questions de livres, ça doit vous intéresser, puisque vous publiez aux Indes savantes des livres très savants d'ailleurs, dont oui. Les vôtres, mais ceux aussi d'autres personnes. Oui, ben enfin pour moi qui ai connu les PUFs, à la fois le magasin et la maison d'édition. J'ai vendu depuis longtemps le magasin de la Sorbonne. Bon, là j'ai là aussi. oui, c'était un crève-cœur de voir cette décadence un petit peu de la maison d'édition. Et on est très heureux qu'elle puisse repartir. Philippe Papin, un petit commentaire sur l'une ou l'autre de ces nouvelles ? Non, aucun. Rien, okay. Et vous, Amandine Lepoutre, non plus ? Alors, on va commencer tout de suite notre discussion consacrée à l'histoire du Vietnam. Bonjour, Séverine Yatar. Bonjour. On est autour d'une période, on doit vous dire qu'on a marché sur des œufs, Séverine Yatar et moi, parce que franchement, c'était une période sur laquelle on n'avait jamais travaillé, on ne connaissait pas cette période, le 17e et 18e siècle, dans cette péninsule indochinoise. Philippe Papin, s'il faut résumer pour nous et pour nos auditeurs, ce qui se passe à ce moment-là et surtout quels sont les ressorts de cette histoire qui se déroule sur deux siècles entre le 17e et le 18e siècle avant l'accession au pouvoir d'Nguyen au tout début du 19e. Qu'est-ce qu'il faut dire pour pouvoir expliquer à nos auditeurs donc le contexte, pourrait-on dire, Philippe Papin ? Pour le contexte, il faut repartir un petit peu avant, si vous le permettez. Bien donc sûr. On part en gros, pour simplifier, du 15e siècle, à l'époque de la monarchie glorieuse, de la centralisation administrative. Donc, il se poursuit de 1428 à 1497. Ensuite, on a une dynastie usurpatrice, la dynastie des Mac au XVIe siècle. Et enfin, arrivent nos XVIIe, XVIIIe. Ces deux siècles qui sont extrêmement importants parce que le pays est divisé en deux. Sur ces deux parties, règne un souverain théorique, qui est le souverain de la dynastie des Lé, Mais en même temps, le pays donc est coupé en deux. Ce qui va se passer, c'est que ces deux parties du Vietnam vont évoluer de manière différente, mais avec cette caractéristique commune que dans les deux cas, elles vont se détacher de la figure sacrée de l'empereur et donc gagner une espèce d'autonomie par rapport au siècle de la centralisation. C'est vrai, et la question de l'influence chinoise qui est aussi primordiale dans cette partie, à la fois avec des dominations de l'Empire chinois sur cette partie de l'Asie et près des retraits. Et en même temps, s'il y a retrait, parfois, il y a quand même reproduction du modèle d'organisation, par exemple, administrative chinois. C'est énorme, mais c'est une part importante, en tous les cas, de l'histoire de cette partie de l'Asie. Essentielle, mais d'ailleurs pour toute l'Asie du Sud-Est en général. Les choses sont plus claires, je crois, quand on considère que la Chine n'était pas la Chine, mais un empire, une notion d'empire comme l'aurait été l'Empire romain, et que donc on a tout intérêt à s'y agréger pour la plupart des pays, et que ce n'est pas une infamie, bien au contraire, une marque de prestige. Donc tout va mieux quand on commence à poser les choses comme ça, et pour le Vietnam, évidemment, c'est le cas. Donc pour les 17e, 18e, si vous voulez, on reste dans la sphère, chinoise. Et surtout au 17e siècle, on a l'arrivée aussi de migrants chinois qui fuient en fait le nouveau régime et qui sont fidèles à la dynastie des Ming et qui arrivent par bateau et qui vont coloniser le sud du Vietnam. Le paradoxe étant donc que plus l'histoire du Vietnam se dirige vers le sud et croit s'éloigner de la Chine, plus finalement elle la retrouve. Alors c'est intéressant parce qu'on a découvert, Séverine et moi, donc en lisant vos ouvrages et vos articles, beaucoup de notions, et une notion qui semble présente partout, cette fameuse notion de la marche vers le sud des Vietnamiens. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela, Amandine Lepoutre? Cela vient d'où? Et cette idée que donc il y aurait une progression du nord vers le sud de ces populations vietnamiennes, donc sinisées, qui descendent progressivement dans cette péninsule indochinoise. On a l'impression, quand on regarde aujourd'hui ce Vietnam, que ce Vietnam est vietnamien d'une certaine façon, et de tout temps. Or, vous avez travaillé sur des périodes, vous-même, Amandine Lepoutre, pour votre thèse, où bien, ça n'était pas le cas, c'est-à-dire que pendant longtemps, et jusqu'à il y a peu de temps, 3 siècles ou 4 siècles, en tous les cas, il y avait des populations très nombreuses, en particulier au sud du Vietnam, voilà, et même au centre du Vietnam, en l'occurrence, Amandine Lepoutre. Voilà, exactement. Donc au moment où, au XVIIe, XVIIIe siècle, donc quand le Vietnam était scindé en deux seigneuries, la seigneurie du Sud, qui était en fait au centre, la donc seigneurie autour, des Nguyen. Pour faciliter le travail de ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément une carte du Vietnam sous les yeux, est-ce qu'on peut dire que c'est autour de Hue, par exemple, voilà, la ville de Hue, et donc la ville impériale de Hue, qui donc était le cœur de cet empire du Sud, mais qui était plutôt au centre du Vietnam. Exactement, oui, oui. Et donc, petit à petit, pour faire face à la seigneurie du Nord, la seigneurie des Qin, la seigneurie des Nguyen va annexer les territoires de son voisin méridional, qui était donc le Champa, une confédération en fait de territoires Cham. Et au XVIIe, ça a commencé déjà dès le XIe siècle, mais donc au XVIIe, XVIIIe siècle, cette annexion des territoires Cham, on est en fait à la fin du processus d'annexion des territoires Cham, et donc c'est le Pandouranga que vous avez mentionné tout à l'heure, le dernier territoire en fait Cham, qui est en cours d'annexion. Alors expliquez à nos auditeurs ce que sont ces territoires Cham. Ils ont une autre langue Ils ont une autre langue, une culture aussi différente, donc ils étaient influencés par un modèle culturel qui est tout à fait différent de celui des Vietnamiens, puisque c'était influencé beaucoup plus par l'Inde. Mmh. Ils utilisaient, donc ils ont leur propre langue, qui est une langue austronésienne, donc plus proche en fait des langues qui sont parlées en Indonésie, par exemple. Et ils utilisaient également, le sanskrit. Donc pour les documents plus anciens en fait du Champa, les inscriptions, ce sont des documents bilingues, à la fois en sanskrit et en cham, qui sont rédigés donc, dans un alphabet qui est originaire aussi de l'Inde, du sud de l'Inde. Alors, ça veut dire que si on veut clarifier les choses pour nos auditeurs, on se trouve avec un royaume du Nord qui est centré autour de ce qu'on appellerait aujourd'hui la région de Hanoï et cette région du Nord du Vietnam aujourd'hui. On a un royaume central qui est centré autour de Hue et un sud qui va progressivement être conquis par ce royaume central, voilà. Donc, et qui est occupé par qui? Parce que vous parlez de ce royaume Cham, donc de Pandouranga, mais en dessous, il y a quoi, par exemple? Il y a des Chinois qui sont passés par la mer, on a compris, avec Philippe Papin, pour rejoindre ce sud de le delta du Mékong. Il y a qui dans ce delta du Mékong, par exemple? Khmer. Les Khmers, puisque le delta du Mékong était un territoire cambodgien qui a été annexé par les Vietnamiens aussi, également à cette période, enfin, durant cette période moderne, durant les 17e-18e siècles. Ça explique pourquoi aujourd'hui il y a encore 54 minorités, je crois, dans ce Vietnam en l'occurrence, c'est-à-dire les restes justement de ces multiples populations qui existaient avant cette descente vers le sud, Philippe Papin. Oui, largement. Il y a les minorités évidemment du nord aussi, hein, les Thaïs, les Mangs, etc., mais beaucoup de minorités montagnardes ou effectivement du sud du delta du Mékong, en effet. Frédéric Mancienne, vous êtes spécialiste en particulier des relations donc politiques et commerciales de la France avec cette péninsule indochinoise au XVIIe-XVIIIe siècle. C'était le thème de votre thèse. Vous avez travaillé aussi beaucoup sur la question des missionnaires, avec une vision compliquée de ces missionnaires. On y viendra un peu plus tard parce que ce ne sont pas forcément des gens qui sont là simplement pour apporter la religion chrétienne dans cette région du monde. Qu'est-ce que savent les Français, enfin le Royaume de France ou les Européens du XVIIe siècle de cette région du monde, et quelles relations ont-ils au tout début de notre période ? On n'en connaît pas grand-chose en France. On n'en connaît pas grand-chose, on en connaît... À l'époque, vous voulez dire ? Oui, à l'époque, au XVIIe siècle, on n'en connaît pas grand-chose parce que, Philippe l'a dit, les deux royaumes sont fermés. Ils sont en guerre, donc ils se sont relativement fermés. Et en fait, il faut attendre les premiers récits des missionnaires, que ce soit d'ailleurs les jésuites portugais ou les missionnaires français, qui vont publier des lettres, pour qu'on commence à prendre un petit peu connaissance de ces deux royaumes, de leur culture, de leur civilisation, avec des bourdes énormes, hein, d'ailleurs. On assimile facilement certaines religions à des religions chinoises, mais on les confond. On confond le bouddhisme avec d'autres religions. Enfin, c'est très confus. Ce n'est que petit à petit que va s'affiner un petit peu l'image des deux Vietnam. Et pourtant, ce sont des Européens qui vont avoir une influence considérable, assez critiquée dans certains de ses ouvrages par Philippe Papin, c'est-à-dire l'imposition de la romanisation de la langue, en l'occurrence. Donc, puisque c'est dans ces années-là, au milieu du XVIIe siècle, que Alexandre de Rhodes va romaniser donc la langue vietnamienne et donc la transformer en une langue lisible, en l'occurrence pour les Européens, ou en tout cas plus facile. Oui, avec un petit commentaire. Alexandre de Rhodes, effectivement, va romaniser la langue vietnamienne, mais pas du tout pour l'imposer au pays, parce que les missionnaires ne sont pas du tout en état d'imposer quoi que ce soit. Ils sont combien dans cette période de milieu du XVIIe siècle ? Ils sont quelques Portugais, et il y aura au maximum 3-4 Français. Ah oui, c'est relativement peu. C'est vrai qu'à une petite dizaine, on ne peut pas imposer quoi que ce soit. Mais si vous voulez, Alexandre de Rhodes, cette romanisation, qui est tout à fait réelle, elle est faite pour que les missionnaires et leurs catéchistes puissent prêcher plus facilement, apprendre la langue et prêcher plus facilement. Donc ça n'a pas du tout un but de l'imposer au Vietnam. Elle ne sera vraiment imposée au Vietnam qu'au moment de la colonisation, c'est fin 19e. Et même et encore, plus tardivement, oui. Vous expliquez dans vos ouvrages, Philippe Papin, que c'est plutôt au milieu du 20e, et par la grâce en particulier du Parti communiste vietnamien, que tout compte fait, ce qui était pour tout une invention des colonisateurs, ou supposée comme telle, donc en l'occurrence, va être repris à son compte, en particulier par Ho Chi Minh et par les gens qui dirigent le Parti communiste à cette époque-là. Oui, il y a eu un chassé-croisé, puisqu'au départ, effectivement, les Français se disaient qu'ils pourraient encourager cette écriture dans la mesure où elle coupait apparemment les relations du Vietnam avec la Chine, donc ça permettait de mieux dominer le Vietnam. Et ils se sont aperçus qu'en fait, cet alphabet romanisé servait aussi à véhiculer des pensées européennes un peu séditieuses. Donc du coup, il y a eu un chassé-croisé, la colonisation a préféré revenir au caractère chinois, et c'est le Parti communiste, au nom de la modernisation, qui va, pour le Nord en tout cas, au contraire, développer cette écriture. 9h27 dans la Fabrique de l'Histoire ce matin, quatrième et dernier temps de notre promenade dans l'histoire du Vietnam et de l'Indochine. Et nous parlons ce matin des 17e et 18e siècles donc dans cette péninsule indochinoise. Alors, Frédéric Mancienne, on vient d'écouter une pièce bouddhique du Sud-Vietnam, en l'occurrence. Que comprennent les missionnaires quand ils arrivent? Vous dites qu'ils font beaucoup d'erreurs. Même géographiquement, comprennent-ils la mosaïque de cette péninsule indochinoise, ces royaumes divers, les perçoivent-ils, comprennent-ils ce qui se passe exactement dans cet endroit? Alors, disons que l'aspect politique est relativement bien perçu, parce que les missionnaires français se sont d'abord installés au Siam, l'actuelle Thaïlande, et en 1664, et donc ils sont venus au Vietnam, d'abord en Cochinchine, ensuite au Tonkin, avec une relative bonne connaissance, disons, du cadre politique. Ça, c'est certain. Et pour le reste Pour le reste, pas mal de confusion. Pas mal de confusion, parce qu'ils n'ont certainement pas, par exemple, ils ont du mal à comprendre les différences qui existent entre certains aspects du bouddhisme dont parlent les missionnaires qui sont en Cochinchine, qui est un bouddhisme arrivé, le bouddhisme du Theravada, arrivé par l'Asie du Sud-Est, et puis le bouddhisme du Nord, qui est arrivé par la Chine. Donc il y a des problèmes comme ça, le rôle de ceux qu'ils appellent les magiciens. Alors les magiciens, ils vont mettre assez longtemps à comprendre que, en fait, ce sont les prêtres taoïstes. Mais simplement parce que dans la vie de tous les jours, les magiciens, ce sont les gens qu'on fait venir pour soigner les gens, pour faire tout un tas de pratiques qui sont magiques. Et donc c'est une secte pour eux. Et comprennent-ils la complexité aussi, à la fois donc ethnique et religieuse, de cette péninsule indochinoise dans le détail? Comprennent-ils, par exemple, ce qui se passe du côté des royaumes Cham dont vous parlez, en l'occurrence, Amandine Lepoutre? Ont-ils une connaissance, une compréhension de ce qui est en train de se passer là-bas? Il y a des récits de missionnaires, oui, qui mentionnent les Cham, donc ils les ont vus en tous les cas, et qu'ils étaient différents aussi des Vietnamiens. Oui, je crois que c'est parmi d'ailleurs les témoignages. Il y a un témoignage missionnaire qui parle encore au XVIIe siècle d'un prince Cham, et qui laisse supposer, d'après le contexte de cette écriture, que c'est une sorte de protectorat. Qui est complètement aux mains des Vietnamiens, mais ce n'est pas encore une annexion simple. Philippe Papin, est-ce qu'on peut savoir si ces conflits multiples et récurrents pendant deux siècles entre ces deux seigneuries du Nord et du Sud ont joué justement sur, on le disait tout à l'heure avec Frédéric Mancienne, sur la clôture ou au contraire sur l'ouverture de ces royaumes vers l'extérieur, les voisins, mais les voisins plus lointains, vers les missionnaires, vers les gens qui venaient d'Europe en l'occurrence? Il y a deux possibilités, et je ne sais pas laquelle des deux a été choisie tout au long de ces deux siècles. Peut-être les deux ont-elles été choisies successivement ou en même temps, soit s'ouvrir pour pouvoir trouver des alliances, soit se refermer pour pouvoir mieux se combattre, en l'occurrence Philippe Papin. Oui, juste une petite précision avant, c'est que ces deux seigneuries, celle du Nord et celle du Sud, ne sont pas en conflit pendant deux siècles. C'est-à-dire qu'elles le sont en fait assez modérément, mais en 1673, une trêve est signée entre elles, qui sera respectée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc il y a à peu près 120 ans de paix entre ces deux seigneuries. C'est absolument important parce que chacune de son côté va se consolider avec beaucoup de problèmes internes, qui justement peut-être empêchera de s'occuper d'international. Du côté du Nord, les Qing, qui sont les seigneurs, sont en train de complètement reprendre le pouvoir de la main de l'empereur, qui reste sur le trône parce que la Chine ou l'Empire n'auraient pas accepté qu'il en descende. Mais leur pouvoir en interne est finalement, non pas fragile, mais en tout cas, ce n'est pas un pouvoir impérial. Donc ils ont besoin de consolider leur pouvoir en tant que seigneurs. Au sud, ils ont le défi de cette marche vers le sud, cette conquête des terres méridionales, de mise en culture simplement du territoire. Et par conséquent, chacune des deux seigneuries étant fort occupée dans son propre territoire par des problèmes internes, l'international n'est pas absolument capital. C'est pas à cette époque-là qu'on verra des navires vietnamiens cingler le Pacifique. D'autant plus que les étrangers, les compagnies étrangères, elles s'installent au Vietnam même. Il n'y a pas besoin en fait de bouger. Les compagnies de commerce s'installent, les Néerlandais, les Anglais. Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher, justement, ces Néerlandais, ces Français? Alors, je pense que Frédéric Mancienne connaît ça mieux que moi, mais il me semble que le Vietnam va devenir la plaque tournante du commerce, notamment du commerce entre la Chine et le Japon, qui ne pouvait plus se faire directement pour des raisons de prohibition politique. Et par conséquent, le Vietnam va être très utile pour pouvoir s'échanger des produits qu'on ne peut plus s'échanger directement. Frédéric Mancienne. Je pense qu'on contrôle, Frédéric. Oui, oui, tout à fait. Mais pas seulement le Vietnam. Hein. On s'aperçoit que le XVIIe siècle, c'est la grande époque du commerce international du Siam, de l'ancienne Thaïlande, du Cambodge, où, comme le disait Philippe, la Chine s'étant fermée, le Japon s'étant fermé, les échanges de produits se font entre eux, Chinois et Occidentaux, dans ces différents ports, et ils profitent largement de cette fermeture. Comme toute fermeture commerciale, il y a toujours des gens qui en profitent. Mmh. Et pourquoi il y a une fermeture commerciale, Frédéric Mancienne ? Parce qu'on considère que le commerce n'est pas quelque chose... Lors de l'installation de la dynastie des Mandchous, des conquérants Mandchous, ceux qu'on appelle les Qing, la dynastie Ming a résisté un certain temps dans le sud de la Chine, et notamment dans les provinces côtières. Donc, si vous voulez, les empereurs Mandchous, par crainte de la mer, de tout ce que ça pouvait induire, ont décidé de fermer les ports. Donc, le commerce, le grand commerce traditionnel entre la Chine et le Japon ne pouvait plus se faire directement. Donc il a fallu trouver... Un truchement. Et je dirais les truchements ou le truchement, c'est l'Asie du Sud-Est. Amandine Lepoutre, cette descente vers le sud donc, des populations viettes, elle se fait pour quelle raison ? Est-ce que c'est pour, entre guillemets, sans reprendre une expression du XXe siècle, l'espace vital, la volonté de gagner des terres, d'avoir plus de production pour pouvoir nourrir une population plus abondante ? Est-ce qu'il y a des visions religieuses ? Est-ce qu'il y a des visions... Enfin, quelles sont les visions de ces conquérants progressifs qui vont descendre progressivement le long de la péninsule indochinoise depuis... cette région du centre. Alors, on n'a pas de réponse vraiment assez. C'est un processus qui est quand même assez complexe. Et lent. On a les dates, en fait. On connaît les dates d'annexion des différents territoires de Cham et Khmer aussi, mais on ne connaît pas les motivations. Le processus, enfin, comment les choses se sont faites. Mais en effet, donc, il apparaît oui, qu'il y avait une base économique forte dans la seigneurie du Sud et aussi un besoin de plus de territoire pour, face à la pression démographique de la seigneurie des Nguyen, d'où donc ce besoin de terre et puis bah aussi la rivalité avec la seigneurie du Nord qui nécessitait donc qui demandait donc d'asseoir un territoire d'avoir un territoire de plus en plus important pour aussi faire face. Est-ce que les Nguyen, quand ils descendent progressivement et qu'ils donc ils annexent tous ces territoires qui sont ceux que vous connaissez bien, Amandine Lepoutre, est-ce qu'ils changent les méthodes d'administration, est-ce qu'ils changent la façon de concevoir le pouvoir, est-ce qu'il y a imposition, pourrait-on dire, d'un mode de gouvernement différent de celui qui existait auparavant, d'après ce que vous pouvez savoir, d'après ces archives que vous avez retrouvées au Pandaung. Alors oui, oui, c'est sûr que les Vietnamiens ont imposé leur administration, leur façon de faire. Voilà, exactement. Mais il faut nuancer aussi, donc ça c'est indéniable, mais il faut quand même nuancer parce qu'il apparaît qu'au niveau local, eh bien, c'est l'administration, l'organisation de Cham qui a été conservée pour l'administration au plus bas des territoires, au plus près des populations. C'est ce qu'on voit à travers les documents locaux qui étaient donc rédigés en Cham principalement, donc ça montre déjà que la langue et l'écriture n'ont pas été prohibées, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Ce que j'ai lu encore régulièrement pour le Cambodge, apparemment il était interdit de parler de cambodgien au moment où les territoires ont été conquis. Donc voilà, faut quand même nuancer, mais c'est vrai que d'une manière générale, oui, si les Vietnamiens en fait se sont installés sur les terres qui étaient libres, les terres qui étaient laissées à l'abandon par la population de Cham. Mais par la suite, par différents procédés, notamment le prêt d'argent aux populations Cham. En fait, cet argent était prêté par une certaine... Au lieu de généraliser, de dire que les Vietnamiens étaient les riches et les Cham étaient les pauvres, en fait, il y a une certaine classe de Vietnamiens, donc des Vietnamiens aisés, qui prêtaient donc de l'argent ou qui étaient donc les Cham, et les Cham qui parfois étaient dans l'incapacité de rembourser, de donner leurs terres. Donc voilà, c'est... Philippe Papin, alors justement, quand on voit ce processus, on se dit que une histoire a été écrite sans trop connaître des documents pendant, mettons, le 18e, surtout le 19e siècle, et puis peut-être même 20e siècle, et que progressivement, on a l'impression qu'une nouvelle histoire est en train de s'écrire. C'est-à-dire que on est en train de nuancer avec Amandine Lepoutre l'idée d'une imposition, qu'il y a évidemment des métissages qui se font sur place, des récupérations de processus qui étaient des processus plus anciens, qui sont acceptés par les nouveaux gouvernants vietnamiens, par exemple, etc. Et donc, on est en train d'impression d'une façon de nuancer, de complexifier, pourrait-on dire, cette histoire telle qu'on l'écrivait encore il y a une cinquantaine, une soixantaine d'années. Oui, absolument. Je dirais même que depuis moins d'une vingtaine d'années, maintenant, nos sources de connaissances sur le Vietnam ont en quelque sorte baissé d'un niveau où la focale s'est abaissée, s'est réduite vers le terrain, aussi bien au nord que pour le sud. Ce dont vient de parler Amandine Lepoutre, c'est-à-dire ces archives du Panduranga, nous permettent de connaître des contrats notariés, des choses qui sont, ou des locations de rizières, ou même des asservissements de personnes pour dettes, des choses extrêmement précises que nous n'avions pas il y a 20 ans. Et pour ce qui concerne le nord sur lequel je travaille, nous avons toute l'épigraphie ancienne, c'est quand même quelques 30 000 stèles qui sont conservées dans les temples du Vietnam, qui avait été estampé mais que personne n'avait consulté, sur lesquels je travaille, et qui nous donne une vision qui est maintenant beaucoup plus précise, beaucoup plus locale, villageoise. Même le bouddhisme, par exemple, a toujours été traité de manière un peu globale et souvent s'inspirant du bouddhisme chinois, parce qu'on n'a pas de source pour le Vietnam, mais on s'aperçoit que c'est tout autre chose. Vous dites aussi, je crois, Philippe Papin, le rôle joué par les anthropologues qui ont travaillé, bon, bien sûr, sur les sociétés aujourd'hui, je pense à Condominas ou à d'autres, mais qui ont montré en tous les cas la diversité culturelle de tout ce paysage vietnamien. L'intérêt du Vietnam, c'est cette extrême diversité, ce dont parlait Amandine à l'instant. C'est une histoire de colonisation des terres du Sud. Imaginez ça au XVIIe, XVIIIe, comme de véritables fronts pionniers, avec des communautés... Oui, c'est le Far South. Exactement. Avec des communautés, avec souvent des Chinois, mais pas seulement, aussi des Vietnamiens, qui défrichaient, qui installaient une commune, le patron du village se voyait remettre des terres, parfois était sanctifié et devenait une divinité locale. Donc il y avait une machine à coloniser du territoire vierge, parce qu'il y avait 1 million d'habitants à peine dans ce grand sud, il n'y a personne. Et donc c'est quand même une aventure absolument fantastique qui se passe au sud, alors qu'au nord, on est encore dans un univers quand même impérial, un peu confucéen, glacé et cérémonieux. Donc c'est deux histoires vraiment très différentes. Et c'est pour ça que vous dites souvent, voilà, le sud moderne et le nord, plus traditionnel, plus archaïque dans son mode de fonctionnement et dans ses ambitions. La cassure entre les deux Vietnams dont on parlait tout à l'heure, celle du XVIIe, XVIIIe siècle, est également à quelques kilomètres près, c'est la même qu'entre le Vietnam au nord et le Champa au sud, et c'est la même au XXe siècle qu'entre le Vietnam communiste et le Vietnam pro-américain. C'est quand même pas par hasard que sur une trentaine de kilomètres de territoire, il y a une frontière qui a duré 2000 ans dans des modalités différentes. Frédéric Mancienne. Pour revenir sur ce qui a été dit, il y a un exemple qui est quand même remarquable, c'est le delta du Mékong. Le delta du Mékong, c'est un immense territoire qui se trouve au sud-ouest de Saïgon à l'époque, Ho Chi Minh aujourd'hui. Et c'est un territoire qui est touché par les Vietnamiens dès le 17e, 18e, parce qu'ils laissent les Chinois émigrés, dont parlait Philippe tout à l'heure, s'implanter. Et donc, ce sont des grosses communautés chinoises qui vont rester fidèles à ces seigneurs vietnamiens de Hue. Mais aussi parce que, quelque part, s'y déversent les vagabonds, les déserteurs. On les encourage, comme on a pu aller en Europe vers des terres vierges. Et vous avez raison, c'est un vaste Far West, parce que ce territoire qui appartenait à l'Empire Khmer, il est petit à petit, il y a une expression, c'est la peau de léopard. Il est grignoté petit à petit par les Vietnamiens. Fin 18e, on s'aperçoit que on passe, quand on remonte le Mékong, on passe tantôt en territoire khmer, tantôt en territoire chinois, tantôt en territoire vietnamien. Et ça n'est finalement que progressivement, et surtout pendant la guerre civile de la fin du 18e, et surtout début 19e siècle, qu'il va être totalement annexé par le Vietnam. Philippe Papin. Oui, parce qu'il faut peut-être rappeler qu'en Asie du Sud-Est, en général, le royaume ou la possession d'un territoire dépend de la population qui y habite. On possède moins, en fait, un morceau de territoire qu'on possède une population. Mm-hmm. Et si celle-ci est mobile, eh bien, le pouvoir qu'on a sur le territoire est mobile aussi. d'où la peau de léopard. C'est-à-dire que sinon, on ne pourrait pas comprendre comment se constitue ce territoire. Et quand les Nguyen colonisent, ce n'est pas notre vision moderne, si vous voulez, où on agrandit la carte petit à petit. En fait, on agrandit des poches de peuplement. Mmh. Et à beau jour, elles se touchent les unes les autres et ça forme un territoire. Mais après seulement. Parce que là, ce qui est important, c'est de posséder la force économique, l'agriculture et les gens qui travaillent. Il faut peut-être insister sur un point que j'ai découvert en vous lisant, c'est l'importance des villages, donc du village comme communauté de base, pourrait-on dire, de ces sociétés donc, du XVIIe, XVIIIe siècle, mais même auparavant, effectivement, comme étant le point d'ancrage effectivement, d'un pouvoir. Et pourquoi ce village est-il si important et pourquoi cette communauté villageoise est-elle fondamentale pour mieux comprendre justement comment a évolué l'histoire de cette péninsule indochinoise, Philippe Papin? Pour le coup, ce village est un facteur d'unité entre le nord et le sud. Outre la population vietnamienne, enfin ethnique si on peut dire, le village comme organisation de base est quelque chose qui va unir, enfin qui unit Vietnam jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce village est composé donc d'une notabilité, de terres communales qui sont réparties tous les 3 ans entre les habitants, notamment pour les plus pauvres. Il y a tout un système, si vous voulez, qui existait au Vietnam depuis à peu près, un peu avant l'an 1000, déjà au 9e siècle on le trouve, qui est un système extrêmement efficace pour mettre en valeur les terres et qui peu à peu va grignoter, y compris dans le delta du Mékong, les villages Khmer qui sont organisés tout à fait différemment. Aujourd'hui encore dans le Vietnam du Sud, si on regarde bien, il y a des endroits où on est vraiment entre les deux formations et plus on se rapproche de la frontière, plus le village se khmerise, si j'ose dire, et l'organisation n'est plus du tout la même. Et quel est le rôle du coup, Philippe Papin, de justement des deux seigneuries par rapport à ces entités villages, la structure, quelle est la structure finalement administrative ou politique? Donc c'est des seigneurs, hein, on ne peut pas parler de rois, vraiment, qu'il s'agisse des Nguyen ou des Chin. Il y a une administration voilà, qui coordonne d'une certaine manière le développement de ces villages. Donc au nord, en deux mots, ils reprennent le système ancien, simplement le seigneur remplace l'empereur sans le dire. Au sud, c'est après la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'empereur. Mais en dessous, on garde des districts, des préfectures et surtout des villages qui doivent surtout payer l'impôt. C'est surtout ce qui intéresse le et qui recueille l'impôt alors donc c'est les fameux mandarinats. Un mandarinat dirigé au sud par le seigneur, au nord théoriquement par l'empereur. Amandine Lepoutre, dans les archives que vous avez pu trouver, les archives royales du Pandouranga, j'y arriverai pas d'ici la fin de l'émission. Donc ces archives royales, qu'est-ce que vous découvrez qui n'avait pas été découvert auparavant en quoi ces archives qui sont pas en langue vietnamienne, il faut le rappeler, renouvellent-elles, pourrait-on dire, la vision que l'on avait de ces période justement d'avant l'unification du Vietnam sous les Nguyen, donc au tout début du 19e siècle. Alors en fait, elles sont aussi en partie rédigées en vietnamien, c'est-à-dire que c'est donc un même corpus de sources qui est bilingue. Donc à une époque plus ancienne, les documents de Cham étaient rédigés à la fois en Cham et en sanskrit, mm-hmm. et à la période moderne, on a toujours des documents, donc ces documents-là en particulier, sont rédigés majoritairement en Cham, mais également en Han Nom, une petite partie donc, qui est rédigée en Han Nom. Ce qui montre déjà qu'on a bien une administration qui fonctionne avec les deux. Ah oui, c'est ça. Voilà, une administration locale qui fonctionne donc, avec les deux langues. Et dans des documents notariés, dans des documents de justice peut-être, ou des choses comme ça, on voit effectivement les conflits et donc oui. les façons dont on se bagarre pour la terre, dont on se bagarre pour la suzeraineté ou la souveraineté sur tel ou tel territoire. Et ça, j'imagine que c'est fort intéressant pour pouvoir oui. mieux comprendre comment cohabiter ces communautés diverses oui. à l'intérieur de ce royaume du Sud. J'ai travaillé principalement sur la propriété foncière et donc en travaillant sur les rizières et notamment sur l'irrigation des rizières, puisque Pandouranga est quand même une zone géographique du Vietnam donc actuel qui est un peu particulière avec un climat semi-aride, donc oui, l'eau donc est c'est difficile. Importante. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que, par exemple, donc, tous ces réseaux hydrauliques étaient partagés par les Vietnamiens et les Cham. Chose que moi, je n'imaginais pas auparavant. Je pensais vraiment qu'on avait deux communautés qui ne se mélangeaient absolument pas. C'est ce qui a tendance à ressortir de la plupart des ouvrages qui ont été écrits sur le Champa jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, c'était vraiment deux populations donc, qui vivaient ensemble, qui se partageaient les terres. Donc on voit aussi donc, le partage qui n'est pas égal en fait, des terres. On se rend compte que ce sont les Vietnamiens qui ont les plus grandes terres. Mais là encore, il faut nuancer, puisque ces grands propriétaires étaient en fait pas si nombreux que ça. Et la plupart des riziculteurs, aussi bien Viet que Cham, avaient finalement des terres de taille moyenne, voire petite. On comprend, Frédéric Mancienne, que nos missionnaires, vos missionnaires, aient eu du mal à comprendre cette organisation, même après 70 ans ou 80 ans d'occupation française dans cette partie de l'Asie du Sud-Est, on n'a pas eu la possibilité, et malgré de nombreuses études, de tout comprendre de cette histoire-là. Et donc, eux, ils arrivent avec leurs préjugés, j'imagine, leur vision du monde. Et lorsqu'ils se croisent avec ceux qui sont sur place, ils ont parfois un peu de difficulté à s'entendre, à comprendre, ne serait-ce que à faire des opérations commerciales qui sont fructueuses. Beaucoup de ce que vous racontez, c'est assez formidable. C'est un énorme échec, pourrait-on dire, la présence française en matière commerciale et politique sur place, pendant, malgré des tentatives multiples entre le milieu du XVIIe et la fin du XVIIIe, c'est quand même pas grand-chose au bout du compte. Les échanges commerciaux entre la Compagnie des Indes française et le Vietnam, oui, c'est un échec total. Il n'y en a pas eu. On va faire plus simple, il n'y en a pas eu. Pendant, il y a eu des tentatives. Il y a eu quelques bateaux qui sont allés au Vietnam. Bon, il faut vraiment aller les chercher et comprendre ce qu'ils sont venus faire. Mais pour en revenir à ce que vous disiez des missionnaires, je pense que comme toute communauté humaine, on a affaire à des missionnaires qui, pour certains, sont obtus. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Et il y en a d'autres, par contre, qui vont formidablement comprendre la société vietnamienne, son fonctionnement, sa culture. Je pense notamment à l'évêque Pierre Pignot. Sur lequel vous avez consacré un livre. Voilà, qui est... mais j'en parle parce que surtout, il a été le premier à faire rédiger un dictionnaire entre le vietnamien et le latin. Et qui a écrit, parce qu'il en avait besoin pour se défendre souvent, il a écrit des rapports sur, par exemple, l'argent et le prêt au Vietnam, l'usure, les terres, etc., qui sont absolument remarquables, ça à la fin du XVIIIe siècle, et qui montrent que chez nous missionnaires, il y avait des gens très bien, qui étaient parfaitement acculturés au pays dans lequel ils étaient venus travailler, et puis il y en avait d'autres qui étaient... qui s'intéressaient davantage à leurs problèmes d'approvisionnement en café. Qu'est-ce qu'il y a comme amateur au sens de non-professionnel, des gens qui n'ont pas su faire, par exemple, dans ceux qui se rendent justement dans cette péninsule chinoise? On a au XVIIIe siècle, ça m'avait fait rire, mais en même temps, ça montrait bien le problème. Donc des missionnaires qui n'étaient intéressés que par leur approvisionnement, alors je crois en mouchoir, en café, en... enfin bon, la popote. Oui. Et vous parlez aussi, c'était un qui était censé devenir missionnaire, c'est ce fameux Michel Poivre. Qui a eu un destin. Qui a eu un destin, enfin bon, parce qu'il a laissé aussi la relation de ses voyages, donc entre 1740 et 1750. Oui. Enfin, et à travers donc, ces quelques voyages successifs où il essaye finalement de mettre au point une éventuelle stratégie commerciale, il échoue, mais complètement au niveau des. Parce qu'il n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris. Et autant Poivre a eu un destin extraordinaire et a fait des choses extraordinaires quand il est devenu le grand homme de l'île Maurice, autrefois Île-de-France, autant son passage de jeunesse, on va dire, c'est un échec total parce que lui, il n'a vraiment rien compris au fonctionnement justement des circuits commerciaux. Il n'a même pas compris ce qu'il fallait donc amener. Il s'est fait rouler dans la farine. La monnaie, il ne comprend rien du tout. Il arrive avec des monnaies d'argent alors que ça n'existe pas. Il n'a rien compris. Mais pourtant, pourquoi il ne s'est pas mis justement en relation avec ces quelques missionnaires qui, eux... Il ne pouvait pas parce qu'il était parti la première fois au Vietnam comme apprenti missionnaire. Et il y a eu une sombre histoire, on ne va pas épiloguer dessus, mais il est reparti et il s'est mis à vouloir faire du commerce, mais il ne pouvait surtout pas revenir trouver ses collègues. Philippe Papin. Mais il a laissé des listes de prix qui sont extrêmement intéressantes pour nous. Parce que ça peut être utile pour l'historien. Oh, très très utile, parce que justement, elle permet d'être confronté avec les données qu'on trouve sur les stèles. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais je voulais revenir une seconde sur les journaux des missionnaires qui sont conservés aux archives des missions étrangères à Paris. J'en ai lu quelques-uns. C'est extraordinaire de voir comment, au début, ces gens qui arrivent comprennent vraiment pas grand-chose, s'expriment entièrement en français. Et plus le temps avance dans leurs journaux de bord, dans leurs journaux quotidiens, plus, évidemment, ils comprennent les choses, surtout les choses qui se passent dans les villages où ils habitent, et surtout plus ils emploient le vietnamien. Mmh. Et il y a des journaux comme ça, missionnaires, où les gens sont restés parfois 20 ans, et à la fin du journal, c'est entièrement écrit en vietnamien, non plus en français. Ça, c'est vraiment une preuve très claire de leur insertion locale. Et pourtant, ils alertent les uns ou les autres le roi, que ce soit les rois précédents ou Louis XVI, par exemple, en disant, il faut faire quelque chose, ça nous intéresse, on a quelque chose à faire là-bas. Et à chaque fois, ça ne marche pas. Les rapports au roi ne sont jamais suivis ou rarement suivis des faits. Alors, pour le cas de Pierre Pignot, c'est un peu particulier, parce que Pierre Pignot est en plein milieu d'une gigantesque guerre civile. Puisque c'est à la fin du 18e voilà, et qu'on est en train de régler définitivement voilà. cette bagarre et entre les deux royaumes, entre les deux seigneuries. En fin de compte, Pierre Pignaud se dit que peut-être c'est là l'occasion de faire ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent, après plus d'un siècle et demi de présence, c'est-à-dire de protéger définitivement les communautés catholiques au Vietnam. Et parce que ça n'était pas le but de départ, en fait, au bout du compte. Non, je ne crois pas. Je crois que vraiment, Pierre Pignaud était un homme d'église. Et il est entré dans un rôle, on va dire, de conseiller, voire de quelque part de ministre du prétendant Nguyen An, avec cette idée ultime que cela permettrait, s'il triomphait, de mettre définitivement à l'abri les communautés catholiques. Ça n'a pas marché d'ailleurs. Mais enfin, bon, et ça n'a pas marché. Pas trop bien marché au 19e. Lui, le Nguyen An, quand il est devenu l'empereur Xialong, a toléré et a gardé un œil très bienveillant sur les communautés. Mais dès sa succession, c'est terminé. On l'évoquait un tout petit peu hier dans notre visite à l'exposition donc Indochine, que vous pouvez voir jusqu'à la fin de cette semaine au Musée de l'Armée à Paris. C'est aussi le moment où il y a des échanges véritablement là de savoir-faire, pourrait-on dire. Moi, j'ai découvert la façon dont on rachetait des anciens bateaux européens et français, qu'on les démontait, qu'on les faisait reconstruire en double, pourrait-on dire, par des charpentiers de marine qu'on formait en même temps pour pouvoir faire une flotte, par exemple, pour, dans cette bagarre entre les deux seigneuries, pour pouvoir permettre à Dialong, celui qui deviendra Dialong, de l'emporter définitivement. Ça, c'est assez extraordinaire. On parle aujourd'hui de transfert de technologie. Voilà, c'était absolument un énorme transfert de technologie. L'évêque Pignaud a joué certainement un rôle de passeur de technologie. Autant d'un point de vue culturel, c'est un échec total. La société vietnamienne reste quand même complètement fermée à toute influence. Autant le passage des technologies, que ce soit la construction des forteresses, toutes les forteresses... Alors, d'après les plans de l'encyclopédie, avec un ingénieur français que Pignaud avait fait venir, qui était un grand spécialiste, et les Vietnamiens vont construire ces forteresses dans tout le Vietnam, hein, dans les années 1800-1820. Donc ça, c'est un passage technologique. Vous avez mentionné les bateaux. La construction navale vietnamienne, grâce aux planches de l'encyclopédie et d'un certain nombre d'officiers de marine français, va connaître un élan extraordinaire, à tel point qu'au début du 19e siècle, des Anglais, des Américains qui sont de passage au Vietnam sont époustouflés par les bateaux qui sortent de l'arsenal de Saïgon. Vous parliez justement des Anglais, Frédéric Mancienne, et on parlait des Français. Alors il y a aussi une sorte de concurrence ou un fantasme de concurrence, justement, entre Occidentaux, Hollandais, Portugais, Anglais, Français, essayent plus ou moins de mettre un pied au Vietnam, même si... Ça échoue, ça, c'est pas forcément finalement... Il y aurait deux étapes. Au XVIIe siècle, on essaie de venir pour faire du commerce. Donc les Hollandais, qui sont ceux qui réussissent le mieux, montent un comptoir à Hanoï, en fait à côté de Hanoï, et vont, dans le cadre de ce qu'on disait, vont faire un commerce fructueux avec le Japon en achetant des soies chinoises et vietnamiennes qu'ils envoient vers le Japon. Ils rapatrient sur Batavia, leur capitale dans l'actuelle Indonésie, de l'or et du cuivre. Les Anglais vont avoir un comptoir, mais qui va faire peu d'affaires. Les Français, bon, on en a parlé. Et en fait, au 18e siècle, vous avez une deuxième étape qui est politique, on va dire, puisqu'on est dans le cadre de la grande concurrence entre Français et Anglais. Et les Français sont en train de perdre tout leur comptoir de l'Inde en particulier. Mais il y a le problème, c'est Canton. Canton qui est devenu une formidable base pour le commerce européen, et notamment pour les Anglais, et le Vietnam qui est sur la route de Canton peut devenir un enjeu stratégique. Mais il ne devient pas parce qu'on fait beaucoup de commerce en droiture directement, soit depuis l'Europe, soit depuis l'Inde, et donc on ne s'arrête pas. Il va rester en dehors, du côté du Vietnam. Mais ce que les Français voient à ce moment-là, c'est l'aspect stratégique, éventuellement d'y implanter des bases, on va dire des bases navales. Comment peut-on poursuivre le travail, on arrive bientôt au terme de notre discussion, Amandine Lepoutre, sur les termes que vous avez posés depuis le début, c'est-à-dire la découverte ou la redécouverte des croisements entre population vietnamienne et population non vietnamienne dans cette péninsule indochinoise. Y a-t-il, selon vous, ces archives royales sur lesquelles vous avez travaillé ont été découverts, je crois, en 1902 pour la première fois. Oui, je me trompe. Donc, y a-t-il, selon vous, encore des gisements d'archives qui mériteraient d'être parcourus par des chercheuses ou des chercheuses comme vous pour pouvoir justement complexifier cette connaissance que l'on a l'accomplir, cette connaissance que l'on a de cette péninsule chinoise dans ces siècles-là? Oui, bien sûr. Donc, les archives dont vous venez de parler ont en effet été trouvées au début du XXe siècle, mais elles n'ont pas été étudiées. C'est simplement maintenant qu'on commence à les étudier. Et il y a près de 5000 pages de manuscrits qui restent qu'il faut déchiffrer dans un premier temps et puis étudier, bien sûr. Parce que quand même, on travaille sur le Vietnam. Comment ça se passe avec les historiens vietnamiens? Est-ce qu'au Vietnam aussi, il y a des chercheurs? C'est une question intéressante, parce que en fait, ce que vous remettez en cause dans vos travaux réguliers, c'est une certaine image et idéologie, un peu comme l'image et l'idéologie qu'on a pu construire pour notre histoire nationale, pourrait-on dire, de cette descente vers le sud, etc., et de cette puissance forte des Vietnamiens qui l'impose à tous les autres. Donc, dans le coup, ça passe dans les discussions que vous pouvez avoir avec... Oui, mais les choses changent beaucoup. Même au Vietnam, évidemment, avec l'évolution politique du pays, le groupe des intellectuels a changé aussi. Maintenant, les historiens qui font l'histoire quantitative et sérielle, qui font de l'histoire des monographies régionales, donc ça a beaucoup changé. Et on peut faire absolument ce qu'on veut. Simplement, on a un problème d'accès aux sources, puisqu'il faut bien considérer, ça peut être étrange pour les auditeurs, mais que les écritures qu'on a en histoire ancienne sont à chaque fois des écritures qui n'existent plus, qui sont plus que mortes au Vietnam. Que ce soit le chinois, le démotique, le sanskrit, le vieux cham, le vieux khmer, ce sont que des choses qui sont extrêmement complexes et dont il y a au Vietnam peut-être une centaine de spécialistes en mettant tout le monde ensemble. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est capital pour connaître le Vietnam ancien, mais qui est d'accès extrêmement compliqué pour tout le monde. Frédéric Martiel, vous avez... Non, effectivement, mais Alexandre de Rhodes, faisant la transcription du vietnamien écrit en caractère à la manière chinoise, en caractère romain, quelque part, n'a pas non plus rendu peut-être un très grand service. Les Japonais s'en sont passés, et ça va mieux. Et les Chinois aussi. Merci en tous les cas d'avoir été aussi clairs les unes et les autres sur cette histoire du Vietnam au XVIIe, XVIIIe siècle. On peut donc vous lire « Vietnam, parcours d'une nation », c'est signé Philippe Papin, ainsi que « L'histoire de Hanoï », c'est chez Fayard, et également donc plus récemment, c'est une autre publication, ça y est, j'ai perdu la publication en question. « Histoire des territoires ». Voilà. Chez les Indes Savantes, qu'il faut défendre en tant que maison d'édition, votre maison d'édition, donc en l'occurrence Frédéric Mancienne, où on peut trouver aussi votre thèse ainsi que le livre sur Pierre Pignot, évêque d'Agdran et mandarin de Cochinchine. On espère un de ces jours pouvoir vous lire. En l'occurrence, pour l'instant, on lit vos articles, Amandine Lepoutre. Et puis, il faut conseiller le numéro de l'histoire, des collections de l'histoire qui vient tout juste de sortir, dans lequel vous écrivez d'ailleurs Philippe Papin. Le Vietnam depuis 2000 ans, une exposition Indochine, Chine-Vietnam aussi, puisqu'on traite de cette question-là, qui se tient au musée d'histoire vivante, ces temps-ci à Montreuil, près de Paris. Alors que celle de l'école militaire se termine cette semaine, et on vous encourage évidemment à y aller, parce que c'est une très belle exposition. Merci encore à toutes et à tous. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Claire Maillot, Aurélie Marcet et Marie-Vonne Abolivier. Clément Daté était à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Demain, nous reparlerons également du Vietnam, puisque dans notre séquence La Fabrique mondiale de l'histoire avec le magazine L'Histoire, nous recevons Christopher Gauchat.